tout d'abord, un grand merci à Delphine Naudier et François Dubé de venir pour cette séance. Donc, il s'agit d'une séance un peu particulière puisque nous allons passer ces quelques heures à nous interroger sur notre propre profession, celle de sociologue. Le printemps compte en effet plus d'une vingtaine de sociologues et 20 doctorants en sociologie. Ce laboratoire, donc fondé en 1995, a mis au centre de son projet scientifique la sociologie des professions. Et une grande partie de l'équipe s'interroge sur nombre de groupes professionnels, mais a toujours eu à cœur de laisser place à une réflexivité du métier de sociologue. Alors je citerai que quelques exemples sans en faire l'exhaustivité. Claude Dubart et Didier Demazière publient en 1997 un ouvrage « Analyser les entretiens biographiques, l'exemple des récits de vie », qui propose entre autres une réflexion méthodologique approfondie sur la production des concepts à partir du langage ordinaire. En 2002, Claude Dubart participe à l'ouvrage collectif de Bernard Lahir « À quoi sert la sociologie ?». En 2006, il publie un ouvrage intitulé « Faire de la sociologie, un parcours d'enquête » où il mêle une exploration autobiographique à une réflexion approfondie sur ses méthodes et démarches. En 2011, François Lemdorfer publie « Les sociologues et le langage », revenant ainsi sur le rapport entre langage et société en sociologie. En 2010 et 2011, Morgane Jouvenet et Didier Demazière ont organisé une série de séminaires autour de l'œuvre du sociologue américain Andrew Abbott, ce qui a abouti en mai dernier à un colloque international sur les parcours sociologiques d'Andrew Abbott. Ces moments d'échange ont permis ainsi de revenir ou de faire connaître l'œuvre particulièrement riche d'un sociologue contemporain. Et actuellement, un séminaire sur les sciences sociales face à la mondialisation, organisé par Lamia Missaoui et Olivier Rouef, sont aussi des moments de réflexion sur le métier de sociologue et des autres disciplines qui évoluent face au monde qui change. Enfin, notons que ce laboratoire est affilié à une UFR qui dispense 4 masters, dont 3 sont des masters professionnels. Conduite du changement en organisation, développement social urbain et action publique et traitement des données quantitatives et démographie. Les enseignements s'attachent donc tout particulièrement à l'utilisation de la démarche sociologique dans les mondes professionnels. Les questions autour de l'expertise, la réflexivité et l'objectivation sont bien entendu au cœur de ces formations. La filière de sociologie, comme le laboratoire, ont toujours eu un réel intérêt pour la réflexion épistémologique afin de comprendre les évolutions et l'actualité de notre métier de sociologue. Donc aujourd'hui, en acceptant de venir échanger avec sur vos 2 récents ouvrages, celui le vôtre, Delphine Naudier, qui est un ouvrage collectif, co-dirigé avec voilà. Maude Simonet, sur des sociologues sans qualité, point d'interrogation, pratiques de recherche et engagement, et le vôtre, François Dubé, à quoi sert vraiment un sociologue? Point d'interrogation aussi, donc vraiment autour de ces questions-là. Nous allons, je l'espère, pouvoir revenir ou découvrir des nouvelles réflexions autour de notre propre profession. Arnaud Saint-Martin, chargé de recherche au laboratoire Printemps, sociologue des sciences et techniques et sociologue du travail et des professions, mais aussi s'intéressant tout particulièrement à l'histoire de la sociologie et à l'épistémologie des sciences humaines et sociales, viendra après vos 2 présentations introduire la discussion. Alors je ne vous ai pas présenté, Delphine Naudier est sociologue, chargée de recherche au laboratoire Culture et Société Urbaine, et évidemment François Dubé, professeur de sociologie à l'Université de Bordeaux et directeur d'études à l'EHESS.